Chapitre 3. Je ne vois pas vraiment de différence entre toi et une femelle de mon espèce. Zélène avait cessé de se rabâcher cette phrase depuis qu'Ormaïn l'avait prononcée. Elle s'était endormie et réveillée, hantée par ces quelques mots qui faisaient écho dans sa tête. Cela voudrait-il dire que si l'espèce d'Ormaïn était répertoriée sur le Rézarque, elle pourrait être davantage prise pour une de ses congénères et non pour une Nifienne? Son implant U stockait ses souvenirs, et un simple « supprimer » aurait pu effacer cette phrase de sa mémoire. Ceci aurait été se leurrer. Elle savait que ces mots l'avaient atteinte au-delà du souvenir. Elle savait qu'Ormaïn n'avait pas pensé à mal, qu'il lui avait simplement fait part de son impression, qu'elle devait se montrer indulgente avec lui. Après tout, il était étranger à cet univers. Il ne connaissait que sa planète, et encore pas entièrement. Juste un secteur de celle-ci, si elle avait bien saisi les propos échangés. Il aurait sûrement pu faire la même réflexion à une personne d'une autre espèce. Dans sa peine d'orgueil, ses pensées parvinrent à la faire pouffer de rire. Elle pensa que, dans son ingénuité, il aurait été capable de confondre un citoyen du mal la lumineuse avec un être loblobco. Ce rire la libéra d'un poids, et elle trouva la force de sortir de sa chambre et d'affronter cette nouvelle journée. Même si ses pensées avaient été pénibles, elle s'était mieux reposée que la veille, la douleur de son bras soulagée depuis sa brève baignade. Elle avala sa première pilule alimentaire, se rafraîchit, enfila la tenue qu'une domestique avait préparée dans son dressing, et se dirigea d'un pas plutôt joyeux vers la salle de cours qu'elle appréhendait tant de pénétrer ordinaire. Elle exécuta le tout en sifflant, en improvisant des airs, pour faire travailler sa voix et s'habituer au nouveau langage qui lui avait été enseigné. À la sortie de son cours, qui était passé comme un éclair, elle tourna à droite et non à gauche, esquivant sans y penser Mimisha qui l'attendait au même endroit. La servante l'aperçut trop tard, et ne put que la voir filer, de dos, sans le moindre regard en arrière. L'humaine resta un instant les bras ballants et le cœur serré, décida de ne pas la suivre. La bonne humeur de Zélé devait être transmissible, car Goba semblait particulièrement entrain à enchaîner trot et galop tout le long du trajet, comme pressé lui aussi de retrouver Ormaïn. Après s'être excusé auprès du rescapé pour son comportement un peu revêche de la veille, la princesse lui avait expliqué la situation bien étrange dans laquelle ils se trouvaient tous les deux. Ils semblaient ne provenir d'aucun monde connu, son espèce et son langage n'étant pas répertoriés, mais le modèle du vaisseau NL2BR, à bord duquel il s'était craché, était commercialisé au sein du comète. Elle lui expliqua que si jamais l'appareil était découvert, il y avait de fortes chances pour que le pilote soit recherché et sa présence risquait alors d'être démasquée. La réponse à ce problème soulevé par la princesse fut vite trouvée par Ormaïn. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter de cela, puisqu'il y avait déjà un pilote à bord. En découvrant le vaisseau, Zélé s'était précipité à l'intérieur pour venir en aide aux occupants. Et elle n'avait trouvé qu'Ormaïn à bord. Tous les sièges passagers étaient vides. Elle en avait conclu qu'il était arrivé sur Eupléas de sa propre initiative et que le NL2BR était sa propriété. Cependant, la véritable histoire était bien différente. Maintenant que la princesse comprenait sa langue, Ormaïn avait pu expliquer toute l'affaire dans les moindres détails. Il était monté à bord de l'appareil à l'insu du pilote, sans connaître leur destination. Lorsqu'il s'était aperçu qu'il ne cessait plus de s'éloigner du sol, il avait compris que le pilote ne comptait pas se rendre d'une base à une autre, mais qu'il quittait la planète pour aller, il ne savait où, dans l'espace. Pris de panique, Ormaïn avait assommé, en frappant un peu fort, le pilote d'espèce chétive, juste au moment où celui-ci allait le découvrir dans le compartiment où il s'était caché. Il avait ensuite enfermé le pilote, inconscient, dans la partie couchette au-dessus du cockpit. Peu de temps après le récit du voyage, Zélé et Ormaïn s'étaient rendus sur les lieux du crash pour retrouver le corps dans l'épave. Le malheureux avait eu moins de chance qu'Ormaïn, de toute évidence. La coque du vaisseau avait été pliée sous la force de l'impact, et le poids de la terre et la partie couchette située au-dessus du poste de pilotage n'étaient désormais guère plus hautes qu'un casier à outils. Le pilote était mort broyé. Zélé espéra qu'il fût encore assommé lorsque cela s'était produit. Des matières organiques dégoulinaient sur de la tôle, écrasées. Le corps avait été pressé comme un fruit à jus. Zélé et Ormaïn furent pris simultanément d'un haut-le-cœur. Pour le récit des raisons ayant causé le crash, ce fut au tour de Zélé de prendre la parole. Ne recevant plus d'ordre, la princesse supposa que l'intelligence artificielle de bord avait dû calculer elle-même la destination par défaut, la planète la plus proche. Cela n'expliquait pas pour autant l'atterrissage forcé. L'éclaircissement de ce point demandait des compétences techniques dont Zélé ne disposait pas. Au bout de quelques jours, Zélé maîtrisait la langue d'Ormaïn. Il lui était fort agréable de siffler une langue si mélodieuse, qui se révélait presque instinctive. Elle se demandait si Mimichal l'aurait trouvée plus facile, elle qui avait tant de mal à articuler l'upléen. Maintenant qu'ils se comprenaient, ils pouvaient échanger l'un et l'autre sans limite. Zélé bombardait de questions Ormaïn. Elle était tellement impatiente d'en connaître toujours davantage le plus vite possible. Elle n'était pas habituée à recevoir des réponses si lentement. Quand elle effectuait ses recherches sur le Rézarque, elle assimilait toutes les informations en quelques secondes maximum, le simple temps de les télécharger. Là, l'assimilation ne pouvait aller plus vite que le débit de parole d'Ormaïn. « De quelle planète viens-tu ? » lui demanda la princesse. « Nikéas. Du moins, c'est comme cela que nous la nommons. Peut-être la connais-tu sous un autre nom. Ou peut-être t'est-elle inconnue ?» répondit Ormaïn. « Ce nom ne me dit rien. Alors cela fait de toi un... Nikéen ?» supposa Zélé. Peut-être, je ne sais pas. Qui est-ce que ça qualifierait au juste ?» demanda Ormaïn. Ormaïn n'était pas habitué à l'idée de se qualifier par rapport au nom de sa planète. L'idée n'avait jamais dû lui traverser l'esprit et Zélé venait clairement d'inventer un nouveau mot. Cela qualifierait les habitants de ta planète Nikéas. Par simplification dans le comète, cela fait plus référence aux êtres civilisés d'une planète, expliqua Zélé. Qu'est-ce que le comète au juste ? Demanda Ormaïn. C'est un acronyme signifiant « cercle ouvert des mondes à l'écoute ». Ça donne un peu bizarre, parce que c'est une tentative maladroite de retranscrire le concept original, qui est intraduisible en upléen, expliqua Zélé. Zélé lui expliqua que l'acronyme était une tentative d'adaptation d'un mot de la langue des civilisations fondatrices. Le comète avait été fondé par les planètes jumelles Jobjo et Jobku du système Bolun. Et ils avaient en commun, dans certaines de leurs cultures, que le mot « météorite » désignait à la fois un corps stellaire et une réunion de paix, où les membres formaient un cercle avec une ouverture pour permettre à tout nouvel arrivant de se joindre à eux. Les Upléens n'ayant pas été capables de concevoir un acronyme avec le mot « météorite », ils avaient tenté l'expérience avec d'autres termes approchants et le terme « comète » était né. Après cet intermède au sujet de lointains voisins, la princesse reprit une discussion plus proche de ce qui les intéressait. Ma planète est Upléas, surnommée la planète Ruby, et la seconde planète de notre système s'appelle la planète Émeraude, mais elle est inhospitalière. Upléas est le seul monde habité dans ce coin-ci de la galaxie. L'ordinateur de bord du vaisseau semble totalement hors service. Je n'ai pas réussi à m'y connecter, sinon j'aurais pu comprendre et connaître les coordonnées de ton point de départ. D'ailleurs, à propos du vaisseau, j'aimerais que tu m'en dises plus sur ta venue. Nous devons être francs l'un envers l'autre, si nous voulons découvrir d'où tu viens. Pourquoi t'es-tu glissé à bord de l'appareil ? Que risquais-tu en étant découvert par le pilote ? Demanda Zélé. Comme il s'en était douté, la conversation devait tôt ou tard les mener à ce sujet. Bien qu'elle ne lui ait rien fait jusqu'ici, qu'elle ne semblait pas être une ennemie, Ormaïn ne savait pas s'il pouvait faire confiance à Zélé. Se pouvait-il que les mercenaires et des contacts sur d'autres planètes ? Qu'une espèce, semblant tout du moins similaire à la sienne, soit leur allié ? Il hésitait vraiment à lui répondre, mais il se doutait qu'il n'avait d'autre choix, et après tout, il lui avait déjà avoué avoir assommé le pilote sans ménagement et causé sa mort. « Puis-je te faire confiance ? » demanda-t-il. « Bien sûr, est-ce si grave ? Que s'est-il passé ?» l'encouragea Zélé. « Avant tout, j'aimerais savoir pourquoi je suis ici. Enfin... « Navré, mais la situation ne me paraît pas claire. Du tout. Qu'est-ce que je fais ici ? Tu me dis les Upléens, en parlant de ton peuple. Mais je ne le vois pas, je ne vois que toi. Tu me dis m'avoir sauvé du crash du NL de BR. Mais tout ce que tu as fait est de m'avoir sorti du cockpit et gardé ici. N'aurais-tu pas dû appeler un guérisseur ? Ou va savoir comment tu appellerais ça dans ta culture ?» Zé n'appréciait pas d'ordinaire que l'on répondît à ses questions par une autre. C'était même là la première fois qu'un étranger se permettait de telles familiarités à son égard. Mais elle ne pouvait lui donner tort, et elle savait qu'elle devait s'expliquer avant d'aller plus loin. Ce qu'il disait était bien entendu vrai. C'en était normal qu'il ne lui fît pas confiance et aspira à ce genre de réponse compte tenu de la manière dont Zélie avait agi. Le problème était qu'elle ne pouvait se justifier. Pourquoi l'avait-elle caché dans une grotte et n'avait-elle rien dit? Cela faisait plusieurs jours qu'il était là, plusieurs débuts de journée qu'elle partait du palais et se rendait à l'oasis pour y passer tout son temps libre, plusieurs fois qu'elle rentrait sans dire un seul mot à propos de tout cela à la reine ou même à Misha, sa chère amie et confidente. Elle n'avait même pas éprouvé le désir d'évoquer la situation à qui que ce fût. Alors, s'impatienta Ormaïn. Rappel arrêté par Ormaïn, qui s'impatientait, Zélé devait rendre des comptes, mais son embarras ne fut pas dissipé par la vague qui chassa ses réflexions. Sincèrement, aucune réponse concrète ne pourrait convenir. Je l'ignore. J'ai agi de manière stupide. Je le reconnais. J'aurais pu causer ta mort à procéder de la sorte. Et je ne l'ai réalisé qu'en revenant te voir. Et encore maintenant, tu es là, et je ne peux me résoudre à t'inviter à sortir d'ici. Tu veux me garder prisonnier? S'inquiéta Ormaïn. Non! S'offusqua Zélé. La réponse que Zélé venait de clamer était comme un cri du cœur. À la réflexion, elle se doutait bien que personne ne la comprendrait, encore moins Ormaïn qui était la victime dans cette histoire. Non, tu n'es pas mon prisonnier, je... Zélé soupira profondément, se sentant désemparée. Elle n'avait jamais eu de mal, jusqu'ici dans sa vie, à expliquer ses actes. Et dans la situation présente, il ne s'agissait pas seulement d'actes. Des sentiments aussi étaient en cause. Elle n'était pas habituée à ressentir des émotions qui la prenaient aux tripes, et un inconnu, source de ces émotions si intenses, lui demandait de se confier sans pudeur. Elle se jeta à l'eau, sachant qu'il était plus effrayé qu'elle. Il était normal qu'Ormaïn fût inquiet de ce qui allait devenir de lui. Et Zélé se devait de lui répondre, quoi qu'il lui en coûtât. Ne te méprends pas sur nous. N'importe quelle Upléenne t'aurait secouru de manière bien plus logique que moi, et la situation ne serait pas du tout ce qu'elle est. Mais voilà. Quand je t'ai vue, j'ai ressenti comme une connexion. Un sentiment qui me disait que je devais me taire et m'assurer qu'on ne te trouve pas. Que tu... Je ne sais comment dire ce que j'ai ressenti, c'était trop fort pour que j'aille contre ce que je pensais être le bon choix. Je ne me l'explique pas, et encore là, en te voyant, je ne peux m'y résoudre. Parce qu'il y a comme... un lien invisible qui me lie à toi, et qui me dicte la conduite à tenir. Ça doit te paraître complètement dingue, ce que je dis, et moi-même. Je ne crois pas à ce que je raconte. Elle se confondait en ces mots. Mais le résultat aurait été le même si elle avait parlé l'Upléen. Cette sensation étrange qu'elle ressentait dans tout son être, des racines de son cuir à la pointe de ses pieds articulés. Elle ne pouvait aller contre, et elle ne pouvait y croire à la fois. Zélé était terriblement gênée d'en parler, et elle n'osait s'imaginer ce qu'il devait penser d'elle après de tels aveux, alors qu'ils se connaissaient à peine. Ormaïn savait parfaitement de quoi elle parlait, mais l'ingénuité de son interlocutrice prouvait qu'elle ignorait la nature profonde de son trouble. Lui aussi avait ressenti cela quand il l'avait vue la première fois, quand ses yeux avaient fait leur mise au point sur elle, à son réveil. Il savait quel était ce lien. Et il se disait qu'il ressentait cela parce qu'elle lui rappelait étrangement son épouse. Mais elle n'était pas son épouse. Pour cette raison, il devait se taire et ne pas lui dire que le sentiment était bien évidemment réciproque, puisqu'il ne pouvait en être autrement. Cette sensation était supposée s'éveiller une seule fois dans une vie entière, entre deux êtres. Alors comment pouvait-il ressentir un tel émoi l'un pour l'autre, puisque lui et Xenia... Pour en avoir le cœur net, Ormaïn se saisit du poignet de Zélé et l'entraîna vers l'eau. Sans réfléchir ni réticence, elle le suivit. Comme s'ils ne faisaient qu'un, ils sautèrent ensemble dans l'étendue calme, pour laisser en unique trace de leur présence à la surface les remous qui venaient s'échouer sur la berge. Leurs corps ne remontèrent pas, ils piquèrent vers le fond. Ils dépassèrent en quelques brasses les 4 mètres qui les séparaient de la pénombre. Zélé ne discernait plus rien. Elle sentait toujours la main agrippée à son poignet qui la tirait davantage vers le fond, alors que ses poumons commençaient à être à court d'oxygène. La pression de la main d'Ormaïn autour de son bras l'envoûtait, et elle préféra ignorer l'appel de son organisme quémandant de l'air et rassembla ses forces pour brasser encore vers les profondeurs. Elle ignorait combien de temps il pourrait encore s'enfoncer avant d'atteindre la vase, mais elle ne doutait pas qu'Ormaïn le savait. Ils nagèrent pendant un bref instant dans l'obscurité totale, pendant que le besoin de respirer qui faisait de plus en plus paniquer Zélé lui donnait l'impression que le noir ambiant durait depuis bien trop longtemps. Et là, alors qu'il s'enfonçait toujours, une lueur parvint aux yeux de la princesse. Grâce à cette lueur, elle put distinguer Ormaïn qui se tenait auprès d'elle. La clarté se fit de plus en plus forte. Il fut bientôt facile de voir comme à la surface, après quelques brasses supplémentaires. Le fond de l'étang était tapissé d'algues phosphorescentes. Jamais Zélé n'avait soupçonné leur existence. Zélé hoqueta. Son organisme ne pouvait plus lutter, il l'avait forcé à ouvrir la bouche pour aspirer de l'air. Mais elle était sous l'eau et avait bu la tasse. Elle s'agita et libéra son bras de l'emprise d'Ormaïl. Et commença son ascension paniquée vers la surface puisqu'elle ne pouvait plus retenir ses narines d'aspirer frénétiquement. Ormaïn ressaisit son bras avec énergie et l'entraîna vivement dans une autre direction. Zélé ne comprenait pas ce qu'il cherchait à faire, mais ses forces l'abandonnaient, et elle ne pouvait plus lutter. Ils pénétrèrent dans une grotte sous-marine, passèrent un coude et débouchèrent dans une cavité. Jaillissant avec désespoir de la piscine et manquant de se cogner la tête contre la voûte basse, Zélé gonfla ses poumons d'air en une grande inspiration et fut aussitôt prise d'une quinte de toux lui permettant de cracher toute l'eau qu'elle avait aspirée malgré elle. Des spasmes la parcoururent un moment et elle regagna finalement son calme. Ormaïn la fixait d'un air inquiet et coupable. « C'est la deuxième fois que tu essaies de me noyer !» cria Zélé. Essoufflée, elle lui lança d'abord un regard noir et s'apaisa vite quand leurs regards se croisèrent. « Navré, ce n'est pas ta faute, je t'ai suivi. » se calma Zélé. « Une idée sotte m'a traversé l'esprit, » expliqua Ormaïn. Elle était toujours haletante. « L'eau m'attire tant, j'envie ta capacité à respirer sous l'eau, » confia Zélé. Il posa son regard sur la jointure du cou et des épaules de Zélé, là où se trouvaient ses fentes auditives, au même endroit que se situaient les siennes. Il les trouva plus dilatées que de coutume, et lui sembla les voir frémir subtilement. « Zélé, viens avec moi !» C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, depuis qu'ils avaient fait connaissance. La mélodie de sa voix prononçant ainsi ce mot l'enveloppa d'une chaleur agréable, et elle le suivit sans savoir ce qu'il pouvait entendre par ce « viens avec moi ». Son regard l'hypnotisait et sa voix l'envoûtait. Elle l'aurait suivi n'importe où. Il l'attira dans le petit bassin d'eau, où ils avaient pied, dans la cavité, et il lui donna des instructions précises. Zélé essaya de ressentir ses fentes auditives et de les faire bouger, vibrer, de les commander. Jamais elle ne s'était dit que ses fentes auditives pouvaient être commandées, et quand il avait supposé qu'elle pouvait le faire le jour de son arrivée à l'étang, elle s'était offusquée tellement l'idée paraissait absurde. Là, au son de sa voix, elle se sentait en confiance, comme si tout ce qu'il pouvait dire était la seule vérité. Elle avait une confiance aveugle en lui. C'était pour cela qu'elle l'avait suivi pendant plus de 10 mètres en apnée, alors qu'elle savait que la noyade n'était pas loin. C'était pour cela qu'elle essayait de commander à ses fentes auditives de devenir des fentes branchiales. Le fait d'avoir frôlé la noyade, quelques instants auparavant, avait comme réveillé les fentes auditives de Zélé. Elles avaient commencé à se dilater, et par la contraction de son cou, la princesse pouvait sentir les nerfs menant aux organes de Louis. Le contact de l'eau semblait les rendre plus réactives à ses ordres. Elles se concentraient et prenaient exemple sur Ormaïn. Ils s'enfoncèrent à l'endroit le plus profond du petit bassin, où ils avaient toujours pied, et alors que l'apnée devenait insupportable, elle s'efforça d'obtenir la contraction simultanée de ses deux fentes auditives et sentit de l'eau s'infiltrer à l'intérieur. Le liquide ne pénétrait pas dans son cou, il imbibait la cavité dilatée de la fente, qui se contractait un court moment et relâchait ensuite l'eau pour recommencer le même processus. Zélé respirait sous l'eau. La sensation de ce nouveau type de respiration était étrange et l'apport en oxygène n'était pas encore suffisant. Elle devait bien s'oxygéner à la surface avant de plonger et faire des mouvements lents pour économiser ses forces. Ses narines semblaient s'être instinctivement bouchées, comme renonçant naturellement à leur tâche. Ils se redressèrent sur leurs jambes et le haut de leur corps dépassèrent de la surface du bassin. La tête hors de l'eau, les trois narines de Zélé s'ouvrirent et aspirèrent l'air. Elle remarqua qu'à cet instant, ses fentes auditives ne répondaient plus. Elle ne pouvait faire fonctionner les deux à la fois. « Mon corps a des branchies, je respire sous l'eau !» s'exclama-t-elle, le visage plus radieux que jamais. « Toutes ces années sans le savoir !» Elle n'en revenait pas. Afin de se concentrer le plus possible pour parvenir à réguler sa respiration sous-marine, elle avait dû abandonner deux tâches complexes qu'elle effectuait en parallèle via son implant U. Et cela en valait la peine. Elle se disait qu'avec un peu d'entraînement, elle pourrait s'accoutumer à cette nouvelle respiration et la rendre aussi instinctive que sa respiration nasale. Ils passèrent le siphon et retournèrent nager dans l'étang. Zélé n'était plus en apnée, elle respirait avec ses branchies. Elle ne s'expliquait pas comment c'était possible, comment un être comme elle, issu d'une espèce qui s'était développée sur une planète aride et asséchée, avait la capacité de respirer sous l'eau. À ce qu'elle sut, personne n'en savait rien. Les ancêtres des Vénitiens s'étaient-ils développés sur les bords des mers souterraines? Elle n'avait jamais lu cela nulle part. Jamais elle n'avait entendu parler de pareilles choses. Il était évident que si quelqu'un l'avait su, le secret n'aurait pas été gardé longtemps et personne n'irait faire de la plongée en combinaison avec bouteille. Côte à côte, ils nagèrent dans les profondeurs éclairées par les algues phosphorescentes de l'étang. De plus en plus à l'aise, Zélé imita la nage d'Ormaïm. Elle ne battait plus des jambes, elle gardait ses bras le long de son corps, les pieds joints, et ondulait tout son corps, d'un seul mouvement, comme l'aurait fait un mammifère marin de la terre. Ils nageaient l'un près de l'autre, tournoyaient, se frôlaient, se fixaient, et s'éloignaient brusquement pour se retrouver de nouveau face à face après quelques élans. Zélé était troublée en face de lui. Mais un tel bien-être la submergeait et qu'elle ne se posait aucune question et obéissait à son instinct. Quel pouvait être cet étrange lien, cette puissante connexion qu'elle percevait entre eux? L'impression était dans son corps entier, pas seulement dans sa tête, son cœur ou son ventre. Et elle avait éprouvé cela dès leurs regards s'étaient croisés dans la chambre de la grotte. Malgré ses traits plus doux, son regard bleu limpide et non rose, Ormaïn pensait que cette fille, cette alien, lui rappelait incroyablement son épouse. Elle devait avoir sensiblement la même taille. Il ne pouvait trouver la différence entre la finesse de leur silhouette, la musculature de leurs jambes. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait pas vu Xenia depuis des années. Que s'il la retrouvait aujourd'hui, il s'apercevrait qu'elles avaient toutes les deux des physionomies dissemblables, qu'il se trompait complètement. Il ne savait quoi penser. À la surface, il bondissait hors de l'eau et se laissait retomber avec grâce pour pénétrer en douceur dans l'étang, où s'affalait lourdement sur le côté. Quand ils se séparaient pour sauter hors des flots, ce n'était que pour mieux se rejoindre en dessous de la surface. Ils s'avançaient l'un vers l'autre, tendaient les bras, se joignaient les mains, puis, enlaçant leurs doigts, effectuant une valse sous-marine interminable, le bleu limpide des yeux de Zélé se mêlait au regard doré d'Ormaïn. Quand leurs corps entiers ne répondirent plus suffisamment épuisés par la natation, ils durent se résigner à regagner la berge. Ils s'allongèrent l'un à côté de l'autre, sur le bord de l'eau, les pieds immergés, leurs jambes s'agitant parfois, paresseusement, pour créer quelques ondes à la surface de l'étang, redevenu paisible. Je me suis évadée, souffla Ormaïn. Puisque Zélé éprouvait la même chose que lui, il ne pouvait s'être trompé, et la complicité qu'il venait de partager avait permis de balayer les moindres soupçons persistant dans son esprit. Mais comment était-ce possible? Quelle que fût l'explication, il sut qu'il pouvait lui faire confiance. Elle n'était pas une ennemie, et encore moins à la solde des mercenaires. Il n'y avait rien à craindre, à tout lui avouer, sur son monde d'origine. Mon peuple est en danger sur ma planète. Il y a de cela quelque temps, beaucoup trop, mon épouse et ma fille ont disparu. Les mercenaires qui nous gouvernent font des prélèvements réguliers dans la population, et je pense qu'elles en ont été victimes. Je devenais fou, j'ignorais ce qui leur était arrivé, si elles avaient été capturées. Je refuse d'imaginer qu'elles aient été tuées. Je ne peux pas le croire. Nous ne savons pas ce qu'ils font de ceux qu'ils emmènent. Il y a quelques jours, j'ai vu ce vaisseau et son petit pilote. Cela faisait tellement longtemps que j'attendais une occasion pareille. Je ne devais pas hésiter. Non, je ne suis pas pilote et je n'étais jamais montée dans un vaisseau auparavant. Mais je savais à quoi il servait. Je voyais bien les mercenaires monter dedans avec les nôtres et s'élever haut dans le ciel jusqu'à ce qu'on ne les voie plus. Je me suis dit que si je me glissais à bord, ils me conduiraient là où ils ont emmené tout le monde quand ils nous prennent. Qu'ils me conduiraient à mon épouse et à ma petite fille, ma fille, Makerada. Elle a dû grandir depuis. Est-ce que je la reconnaîtrais si je la voyais aujourd'hui? En prononçant ces mots, ses doigts se portèrent instinctivement sur le bracelet que Zélé avait remarqué à son poignet dans la grotte. Il lui dit que c'était un présent que lui avait fait sa fille, âgée de quelques semaines. Un bébé émerveillé par tout ce qui l'entourait. Elle avait jeté son dévolu sur un caillou brun, ayant sûrement trouvé la forme de celui-ci joli, et avait dessiné maladroitement des feuilles sur la face lisse. La petite fille lui avait alors apporté son œuvre, se traînant à quatre pattes, le caillou dans la bouche et le visage illuminé d'un sourire de fierté. À entendre ce discours, Zélé resta muette, un instant, son visage évoquant la compassion. Cette histoire la choqua au plus haut point. Comment de telles atrocités pouvaient être perpétrées? Sa planète n'était de toute évidence pas membre du comète. Ce monde devait vraiment être isolé. Mais pour disposer de vaisseaux spatiaux, cette planète était forcément ouverte aux voyages interplanétaires. Les rares civilisations qui vivaient en autarcie sur leur planète refusaient tout échange avec l'extérieur. Elle savait au moins qu'elle pouvait exclure les 18 planètes qui constituaient le comète de ses recherches. Il n'en restait plus que 26. À moins qu'elle ne dût inclure les planètes viables, mais sans civilisation d'origine, ce qui élargissait le champ de possibilités à 206 planètes. Il avait également évoqué dans son histoire qu'il était marié et avait une enfant. Zélie ne put retenir sa curiosité. Quel âge as-tu? J'ai eu 21 ans il y a peu. Je suis plus près des 21 que des 22 en tout cas. Sans vouloir te vexer, je t'aurais cru un peu plus vieux, confia Zélie. Les soucis, peut-être, supposa Ormaïn. Oui, peut-être. Et puis, je suis mal placée pour juger ton espèce inconnue, confia Zélie. Et toi, quel âge as-tu? Demanda Ormaïn. Eh bien, ma 16e année a été célébrée, répondit Zélie. Eh bien, vois-tu, je t'aurais pensé plus jeune. Comme tu le dis, comment deviner l'âge d'une alien? Ironisa Ormaïn. Pourquoi le fait d'apprendre qu'il n'avait pas un grand écart d'âge enchantait tant Zélie? Sentant le sang monter à ses joues, elle préféra changer de sujet et revenir à l'essentiel de leurs préoccupations. Peut-être qu'avec un plan de la galaxie, tu serais capable de retrouver ta planète et de me l'indiquer. Tu devrais pouvoir te repérer avec le positionnement des étoiles. En parlant d'étoiles, on ne les voit presque pas dans ton ciel. Il fait toujours jour. Il n'y a pas de nuit? S'interrogea Ormaïn. En fait, il devrait faire nuit en ce moment. Nous sommes en hiver. Nous sommes au pôle Nord. Il fait jour la moitié de l'année et nuit le reste du temps. Mais un soleil artificiel a été installé pour assurer un ensoleillement continu, expliqua Zélie. Comment savez-vous que la journée est finie alors, s'il n'y a rien pour la rythmer? S'étonna Ormaïn. C'est vrai que les civilisations originaires des pôles ne sont pas courantes dans l'univers. Nous sommes une exception. La rotation de notre planète a été mesurée et nous avons établi des journées de 44 heures, expliqua Zélie. Et comment régliez-vous vos journées avant ça, avant de posséder des appareils pour calculer le temps de rotation? Comment saviez-vous que la journée était terminée et qu'une autre commençait? Questionna Ormaïn. Les remarques d'Ormaïn la faisaient rire de bon cœur. Il ignorait tellement de choses, et ce qu'elle lui enseignait le surprenait tant qu'il devait s'imaginer qu'elle avait réponse à tout sans exception. Elle lui avait appris ce qu'était une galaxie, qu'il se trouvait dans le bras de Persée de la Voie lactée, et que l'univers se composait de milliers d'autres galaxies encore inexplorées. Aucune idée, lui répondit Zélie. Ça fait des siècles que tout cela est établi, et je pense que durant les longs mois d'hiver passés dans la nuit, mes ancêtres ont eu le loisir d'observer les étoiles et de déduire que le temps d'une rotation planétaire. C'est le genre d'information dont on ne retrouve pas les origines, cela date d'il y a tellement longtemps, que ça a dû être perdu avant même que l'écriture n'apparaisse, je pense. Même si Nagé avait le don d'entièrement apaiser Zélie et que la compagnie d'Ormaïn la transportait aux nues, elle ne pouvait s'extirper de l'émoi dans lequel l'avait plongé le récit de son ami. La perspective d'avenir qu'offrait l'univers la terrifiait un peu plus chaque jour. Malgré les efforts évidents du comète pour garantir la sécurité des planètes membres, la princesse savait que les politiciens s'égaraient en livrant une bataille exagérée contre la violence physique, sans se soucier des tournants plus inquiétants et pervers que prenait la technologie. Les questions d'Ormaïn sur le pourquoi du comment des règles établies et de son monde avait fait remonter ses ressentiments profonds qu'elle s'efforçait d'ordinaire d'oublier, car elle n'avait jamais pu y fournir d'explication. Tu sais, il n'y a pas que les origines de notre simple horloge que je ne peux expliquer, confia Zélie. Quoi d'autre? Demanda Ormaïn. Je t'ai dit que j'avais une maladie de peau, et qu'aucun médecin n'avait su trouver de remède, expliqua Zélie. Eh bien, ce n'est pas vrai? Il y a un remède? Interrogea Ormaïn. Non, enfin, pas que je sache. Ce qu'il y a, c'est que les bébés Niphiens naissent avec la peau bleue, et qu'elle s'éclaircit au long de leur première année, pour totalement devenir verte avant l'âge de 2 ans. Est-ce que ça veut dire que moi j'ai gardé ma peau de bébé? Pourquoi celle des autres change-t-elle de couleur? Il n'y a pas que ça. Autour du solstice d'hiver, la peau des Niphiens a des reflets bleus. Elle n'est plus aussi verte. Pourquoi? Interrogea Zélie. Eh bien, moi je mue 2 fois par an, au printemps et à l'automne, expliqua Ormaïn. la mieux est bien la seule chose que ma peau ait en commun avec. « La leur, » répondit Zélée. « Sans te vexer, tu peux admettre que, sans être de la même espèce, nous nous ressemblons un peu, non ?» tenta Ormaïn. « D'accord, oui, peut-être un peu, » souria Zélée. Allongés côte à côte sur le gazon, leurs regards fixés sur le dôme de l'oasis qui atténuait les rayons aveuglants du soleil artificiel, Ormaïn avait le mal du pays. « Chez moi, il y a le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Je vois le soleil se lever et se coucher tous les jours. La nuit, quand il n'y a pas de nuages, le ciel est plein d'étoiles. Il y a aussi deux grosses lunes. J'aime me perdre en contemplant le ciel, c'est tellement noir, tellement profond. Même allongé sur le sol, on a l'impression de perdre pied. » s'extasia-t-il. « Ce n'est pas un spectacle que tu pourras admirer ici, » lui répondit Zélée. « Mais j'ai toujours été fascinée par ce cycle journalier, et les populations qui ne vivent pas au pôle de leur planète ont bien de la chance. Heureusement, avec le Rézar, que je peux admirer les étoiles du ciel upléen, même s'il fait jour, tout le temps. Je les regarde en ce moment même. « Décris-les-moi, » lui demanda Ormaïn. Comment décrire plus précisément un ciel étoilé qu'avec les mots « des points lumineux » sur un fond noir ? Zélée n'eut pas à réfléchir plus longtemps. Un spectacle si beau inspirait inévitablement, et elle décrivit à Ormaïn le plus d'étoiles possibles, celles qui brillaient davantage, les amas que certaines formaient, les constellations, les formes qu'elles devinaient. Et puis Zélée eut le désir de se confier à son compagnon, de partager la grande tristesse que ce spectacle faisait naître en elle. « Quand je fixe la voûte étoilée, je vois ce que nous ne serons jamais. » Ormaïn ne sut que répondre, car il semblait que rien ne pouvait y être ajouté, mais il se sentait étrangement lié à cette phrase, sa signification résonnait en lui sans qu'il puisse l'expliquer oralement. Il était cependant attristé d'entendre des paroles si amères sortir de la bouche d'une personne telle que Zélée, qui semblait si jeune et qui avait si peu vécu, à l'abri dans son habitation et dans cette oasis. Malgré la vie rude qu'il connaissait sur Nikéas et la perte des membres de sa famille, Ormaïn n'avait jamais perdu espoir. Il ne s'était jamais découragé et avait continué à y croire jusqu'à cet heureux matin où il avait pu monter à bord du NL2BR. Il lui sembla toutefois un peu trop abrupt de dire le fond de sa pensée à une personne en proie à la mélancolie et préféra donc le geste à la parole. Ormaïn déposa dans un premier temps timidement sa main au creux de la paume de celle de Zélée, qui reposait sur le sol près de la sienne. Puis, quand les doigts de Zélée se refermèrent, ils les entrelacèrent et inclinèrent leur tête en direction de celle de l'autre pour que se touche le sommet de leur crâne. « Quand tu seras implanté, tu pourras contempler le ciel avec moi. Demain, je t'apporterai un implant U, » lui dit Zélée.